il est riche, possède ce que chaque homme désire. Ruine le monde sans sourire avec beaucoup de plaisir. La réussite acquise dans une finance maladive. Parade dans son Armani et peu importe ce que les gens disent. Il méprise et considère comme des insectes ceux qui parlent avec leur cœur et non leur intellect. Pour lui tout s'achète, se revend sans peine. On ne change pas un homme qui flirte avec la cinquantaine. N'éprouve plus de haine tellement que l'horreur se banalise. Dans sa tour de Pise observe le monde et l'analyse. Il voit des chiffres, des entités non quantifiables qu'il balaye d'un seul doigt majeur levé. Justifiable par le fait que selon lui le fort domine. Le faible aura une vie et une mort rouvine. Réflexion horrible et malgré ça le monde l'envie. Nous parle de méritocratie, fait la morale. Mais ce qu'on oublie c'est qu'il fait partie d'une caste où le pouvoir s'hérite. Noblesse consanguine à lui des classes n'atteint pas l'élite. Il n'y a aucun mérite quand le privilège n'est pas un mythe. Au fond ce n'est qu'un pauvre type s'exprimant sous forme de rite et de pratiques sectaires à base de sexe prépubère. Quand les humains se perdent, les fringants latex les récupèrent. Si ses proches espèrent, cet homme est vide et n'a que faire d'être un bon mari pour sa femme et pour son fils impair. Elle est belle, provoque la jalousie des femmes. Vit dans les hautes sphères qu'elle intégra grâce à son charme. D'origine slave, séduit les hommes d'un seul regard. Dans son tailleur, Gabbana défile là où les billets se crament. N'a guère plus d'âme, ni de valeur saine. Elle vous dira qu'elle s'en tape car le bonheur se monnaie. Le bien-être se paye, pas la peine. On ne change pas une femme qui fonce vers la quarantaine. Pas de vie de bohème, elle aime le fric, les apparats. Attirée par le chic et tout ce qui pèse 24 carats. Alors c'est plus qu'une cam, l'espoir d'une vie normale pour une fille qui vient des rues de Varsovie. Sophie. Si sa tête est pleine, son petit cœur est vide. Avide de pouvoir devient si froide qu'elle est frigide. Une arrogance qu'elle dévoile à chaque sourire. Emmerde le monde à chaque soupir, se croit parfaite. Mais elle oublie qu'elle écarte les cuisses à chaque occasion depuis 20 piges. Bourrée de skeg, de coque, de cette grâce qu'elle s'inflige. Sans arrêt aguiche les hommes qu'à son putain de mari. A déserté son lit pour des filles sagement dociles. Alors elle dépérit, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Chaque rite sur sa tête pour lui rappeler qu'elle se déteste. Doucement elle perd la vie dans cette prison amère. Oubliant même son fils, oubliant même qu'elle est mère. Il est jeune, plutôt beau gosse et populaire. Vit dans l'insouciance loin des galères de prolétaires. Épouse le rêve clair d'être une star planétaire. N'a pas un seul talent donc il veut jouer la carte capillaire. Pas d'échec scolaire, de perte de temps. Trop gâté, on lui accorde tous ses caprices d'enfant. Plus qu'une histoire de sang, une histoire d'argent. Tout est réglé comme une horloge depuis bientôt 20 ans. Alors il tient son rang et se rebelle seulement en rêve. On ne mord pas la main qui signe échec et nous élève. Au sommet de l'échelle, la vie est brève. Alors pour être un homme, il attendra que son père crève. Prétentieux, il snob, nous déteste. Accepte à peine cette potiche qui pour le fric reste. Ce gamin sans tête, la démesure l'obsède. Pense qu'il mérite ses privilèges, mais il oublie peut-être toutes ces fois où dans son lit il pleure tard le soir. Tous ces anxiolytiques qu'il ingurgite pour garder le pouvoir. Ses sourires de façade, aussi blancs que noirs. Cette joie démonstrative lors de ses fêtes cachant son désespoir. Il n'y a plus guère d'espoir, ce gosse est triste comme une pierre. S'en rendra compte 2 ans plus tard devant le cercueil d'une mère. Fin cruelle et symbolique, enfin tout semble clair. Il se mettra une balle dans la tête avec l'arme de son père.